noir et le blanc dans les bords du ciment. Et je peux tout voir le soir, plus tard, réduire en poussière et sourire à pleine dent. Pourtant, je suis le noir et le blanc dans les bords du ciment. Et je peux tout voir le soir, plus tard. Présentement en entrevue avec Maxime Potvin, qui est claviériste au sein de la formation Lila Dissa, qui figure sur notre palmarès depuis déjà plusieurs semaines. Salut Maxime. Salut Danny. Salut, ça va? Oui, ça va très bien, toi? Oui, très bien. Lila Dissa, nom quand même étrange. Qu'est-ce que c'est? D'où que ça vient? Qu'est-ce que ça mange? Ben, Lila Dissa, ça vient d'un livre. Il y a aussi un film qui a été fait sur le livre. Il paraît que le livre est pas mal meilleur que le film, comme dans plusieurs cas. Oui. C'est un peu l'histoire, les grandes lignes, c'est l'histoire d'une nymphette qui plaît aux garçons et qui se la joue. C'est ça, en gros, là, ce que j'en sais. Il n'y a pas vraiment de lien direct avec le contenu du livre et... les paroles des chansons, à part quelques mentions à la gente féminine, sinon ça s'arrête là, je crois. OK. Et puis, Lila Dissa, ça a commencé comment et c'est qui, c'est quoi les membres, comment vous êtes rencontrés? Moi, personnellement, je connais Fred depuis le secondaire, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans maintenant. Fred, c'est le chanteur, juste pour se situer. Oui, okay. Exactement. Fred, c'est le chanteur, compositeur, qui compose la musique et les paroles. C'est ça, on avait formé un band en anglais au départ qui s'appelait Gossimo pendant 5 ans, il y a 10 ans. Donc Gossimo a duré 5 ans, puis là depuis 5 ans, un autre 5 ans, on a formé un groupe francophone, Lila Dissa. Il y a le claviériste de l'ancien groupe qui est devenu le drummer du nouveau groupe en français. On a qui s'appelle François-Régis Pagé. On a Phil qui s'est joint comme bassiste. On a Christian qui s'est joint récemment aux guitares pour faire les guitares plus complexes avec des solos pour laisser plus de place à Fred pour qu'il puisse se concentrer sur son chant. Et aussi, on a Francis Ladisseur, un très bon ami de Fred, le chanteur, qui s'est joint à nous dernièrement pour faire les back vocals puis y amener un bagage important qui était professionnel sur les bateaux pendant plusieurs années, puis il nous a aidé à focusser sur certains points pour améliorer nos performances en spectacle. Ouais, puis un personnage fort sympathique, c'est le fun. Et puis c'est quoi, François aussi, il est pas dans votre drummer dans Bravo Funken, je pense? Oui, il fait partie de la formation Bravo Funken depuis 2 ans maintenant. Il fait quelques spectacles avec ce groupe-là. François, c'est un passionné. Tous les projets qui viennent à lui, il les accepte et rentre dedans tête baissée. Il met beaucoup d'énergie et de volonté dans tout ce qu'il fait. Excellent. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Lila Dissa, c'est quoi le son? C'est quoi l'influence? On peut s'attendre à quoi de Lila Dissa? Ben, Lila Dissa passe par, plusieurs styles musicaux différents. C'est-à-dire qu'en spectacle, on peut commencer avec des chansons plus vaporeuses, plus des ambiances, plus calmes, plus posées, pour finir avec des chansons vraiment qui arrachent à la fin du spectacle pour défoncer les oreilles dans le bon sens. c'est pour tous les goûts, vraiment. Bon, ça se situe quand même dans le folk, rock, indie, pas mal. Là. Je pense que c'est les trois termes qui nous décriveraient si l'on doit vraiment utiliser les termes. Ouais, les termes. Moi, exactement. Je trouve que vous détachez un, par exemple, quand on dit folk rock, en ce moment, il y a tellement de folk et puis qu'il y a tellement roots que moi, je trouve que vous détachez plus. Vous avez plus votre son à vous que ça, folk rock. Je trouve que vous êtes beaucoup plus loin que ça, là. Oui, exactement. J'avoue qu'il y a une très forte tendance au folk sale avec des instruments acoustiques. Là. Non, c'est vrai que ça se passe, c'est pas dans ce sens-là que je disais folk. C'est plus. En fait, c'est parce que les tunes au départ, ils sont composés guitare-voix pas mal. Mais la présence de ton clavier fait que ça rajoute tellement une autre dimension dans la musique. Mettons, je vais poser la question plate, là, quelqu'un qui dirait ça ressemble à quoi, ça ressemble à qui. Y a-t-il un Ben qui pourrait vous ressembler? Je fais tout le temps l'erreur de faire une référence à Carquois. Je sais que Fred aimerait pas ça, mais dans le sens que c'est les mêmes instruments, puis c'est quand même rock, puis on passe par des ambiances aussi des thèmes qui se démarquent, qui tentent d'être différents si on veut de ce qu'on est habitué d'entendre avec guitare, basse, drum, etc. La formation rock ordinaire. C'est vrai que l'ajout des claviers qui est très importante pour le groupe amène des couleurs, puis c'est ce qui fait la grosse différence. Ouais, ça amène des différents plans en profondeur pour amener des émotions ou des impressions différentes, oui. Exactement. Et puis en show, ben tantôt tu nous l'as dit un peu, mais un show de Lila dit ça, c'est quoi? C'est comme l'album, justement, c'est une palette d'émotions? Ben c'est-à-dire, oui, c'est ça. Moi je trouve que toutes les tunes sont bonnes, ils ont toutes leurs cachets. C'est pas comme un style prédéterminé où est-ce que tu vas voir un show de ça, puis qu'une tune après l'autre, ça se ressemble vraiment, puis tu as l'impression que c'était la même chose. Là, c'est vraiment... Il y a différents styles qui sont exploités, différents rythmes même du ternaire ou binaire pour ceux qui connaissent un peu plus la musique là. C'est différentes ambiances qui nous amènent tout le temps à quelque part d'autre, puis on essaie de faire un build-up pour amener l'auditoire à accrocher, à être curieux, puis après ça ben on met ça plus d'en face pour finir le tout. Excellent. Et puis, le choix de chanter en français, est-ce que c'est important pour vous autres? Je sais que c'est Fred qui compose, mais mettons, pour votre band en tant que tel. Ben, moi, personnellement, j'ai toujours apprécié ou j'ai toujours valorisé ça. Surtout qu'au Québec, c'est important de valoriser la culture, puis ça passe par l'élément francophone. C'est ce qui nous démarque, c'est ce qui fait notre richesse. Puis je sais pas à quel point c'est pas vraiment un message politique, c'est juste que c'était plus propice au genre de musique qu'on faisait qui est plus ambiant ou dans le subconscient ou des moins c'est moins accrocheur en anglais que la pop accrocheuse qu'on faisait en anglais avant qui est plus mainstream si on veut. Mais je pense que c'est plus à propos de le faire en français, puis ça rejoint plus les auditeurs de ces fous, je l'espère, et de la jeunesse du Québec qui j'espère continue d'avoir envie d'entendre des choses en français. Tantôt tu parlais de message, justement. Je pense pas que votre musique c'est pas de musique pour passer. C'est pas un message politique ou des grands thèmes. C'est quoi les thèmes de Lila dit ça? Au départ, je pense que c'était une impression ça vient de Fred qui était dans un travail abrutissant, qui est dans des banques même, je pense. Il travaillait dans le milieu des banques, donc pas du tout dans son élément. Il était un clerk, pour pouvoir utiliser un terme anglophone, voilà. C'est dans son travail, des impressions que les gens autour de lui donnaient, des automates qui font leur travail sans vraiment réfléchir à la profonde signification de la vie, qui continue à faire ce qu'ils ont à faire comme des robots, puis entourés de béton et de rien de naturel, finalement. Des gens décrochés de la nature et des choses essentielles. Je pense que c'est ça qui a parti le projet ou l'inspiration au départ. C'est sûr, ça s'est transformé, il y a différents sujets, mais il n'y a pas vraiment de sujet précis dans les tunes, comme des histoires d'amour ou des brosses passées au... Des histoires de brosses mémorables, genre. Oui, c'est ça. Ou c'est pas des récits, puis c'est pas... il n'y a pas rien vraiment à comprendre dans les paroles. C'est plus des dans le subconscient que ça va chercher des résonances ou des sonorités pour enrober la musique finalement qui est, c'est plus la musique qui est importante dans le projet d'après moi que les paroles vraiment en tant que telles. Dans le fond, est-ce que je me tromperais en disant que c'est comme des genres de polaroid d'émotions ou d'impressions un peu? C'est une très belle image, je pourrais pas dire mieux. Merci. Ah, merci. Là, en ce moment, justement, vous êtes à Trois-Rivières ce samedi 26 octobre au Zénob, le fameux Zénob. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter c'est pour parler de ce show-là ou inviter le monde à venir? Là? Ben, nous autres, on a fait un show à Saint-Élie-Caxton. On a réchauffé la scène de la Mauricie. Ouais. C'est un peu... mais c'est ça, on a... J'étais là. Oui, t'étais là, tu nous as bien aidé. Mais c'est ça, c'est exactement ça, à 21h au Zénob. Ça se peut qu'on joue un peu plus tard, mais on sait que c'est une place où est-ce que les bands indie se tiennent, puis on... Trois-Rivières, c'est quand même... une ville importante au Québec. On est content de venir à Trois-Rivières pour montrer de quel bois nous chauffons. Voilà. Excellent. Et pour se quitter dans l'entrevue, avec quelle pièce tu préfères qu'on fasse ça? Il y a plusieurs choix. Moi, je dirais personnellement, c'est Aura Cinematica qui est un bon exemple à quel point on peut se rapprocher de la pop tout en étant relativement original ou quelque chose de personnel. Sinon, pour aller chercher plus de départ, l'ambiance créée au départ, les premières tunes, il y a New York froid. Puis c'est ton choix. Mais je sais que tu as un petit fait pour Aura Cinematica, toi aussi. Exactement, merci beaucoup. Donc, on va être là samedi. Ça fait plaisir encore. Salut. À bientôt. Bye. We'll be right back. C'est la pièce Aura Cinematica de Lila Dissa sur leur album Ruelle Palace. On vous rappelle le spectacle qui a lieu le 26 octobre. Ça se donne à être samedi. Et c'est au Café-Bar, le Zénab de Trois-Rivières. On remercie Lila Dissa en entrevue tantôt et on remercie Danny Janvier pour l'entrevue qu'il a fait avec eux.